Le secteur de l'élevage est l'un des volets les plus dynamiques de l'économie agricole. Il représente l'un des défis les plus importants auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Tiré du rapport 2009 sur la situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, cette présentation se penche sur la façon dont le secteur de l'élevage peut répondre aux objectifs multiples et souvent contradictoires que se sont fixés les sociétés des pays en développement. La croissance des revenus a généré une hausse de la demande pour la viande et les produits d'origine animale. Alors que la part des aliments de base, tels que les céréales, a diminué dans la composition du régime alimentaire, la consommation d'œufs, de lait et de viande a augmenté de manière significative. Conformément à cette hausse de la demande, l'élevage se développe rapidement dans le monde, avec cependant d'importantes différences d'une région à l'autre. La production de viande, par exemple, a augmenté plus fortement dans les régions émergentes, telles que l'Asie du Sud-Est. Cette croissance rapide offre des possibilités, mais elle est aussi à l'origine d'importants défis. En effet, la vitesse du changement qui s'est opérée a souvent dépassé la capacité des gouvernements à veiller à ce que l'élevage réponde aux attentes de la société. Par exemple, le secteur n'a pas contribué à la réduction de la pauvreté et à la sécurité alimentaire autant qu'il aurait pu le faire. La croissance du secteur n'a également pas été suffisamment bien gérée pour permettre de faire face aux pressions croissantes sur les ressources naturelles et aux problèmes des maladies animales. Regardons ces défis un peu plus en détail. L'élevage constitue une ressource majeure pour les populations les plus pauvres. Près des deux tiers des ménages ruraux possèdent du bétail, qui fournit des moyens de subsistance à près d'un milliard de personnes. L'élevage est également important pour l'alimentation des plus pauvres, apportant des sources de micronutriments peu disponibles dans l'alimentation d'origine végétale. À l'échelle mondiale, l'élevage représente 15% de l'énergie alimentaire totale consommée et 25% des apports en protéines. Avec la mise en place de politiques adaptées, l'élevage pourrait devenir un moteur de croissance et servir à sortir de la pauvreté. Les interventions devraient viser principalement à améliorer la productivité des petits exploitants et à accroître leur accès au marché. Cependant, certains éleveurs ne passeront pas à la production commerciale. Et pour ces derniers, les politiques devront faciliter la transition hors du secteur par la promotion d'opportunités d'emploi alternatives. Les préoccupations environnementales représentent un défi tout aussi important. Le secteur de l'élevage occupe 80% des terres agricoles pour le pâturage et pour la production fourragère. Parallèlement, le fumier provenant des systèmes de production intensives dépasse souvent les proportions qui peuvent être absorbées par les sols au niveau local. En tant que contributeur à la production de gaz à effet de serre, l'élevage a également un impact important sur le changement climatique. De meilleures politiques et technologies sont nécessaires pour réduire l'empreinte environnementale du secteur. Enfin, la concentration de la production animale près des populations pose des risques pour la santé humaine. La grippe aviaire en est un exemple récent. Les pauvres sont particulièrement touchés, car ils vivent souvent à proximité de leurs animaux et ont généralement un accès plus limité aux services vétérinaires. Ils sont également souvent les premières victimes des conséquences les plus sérieuses. Les épidémies menacent fréquemment leurs moyens de subsistance et affaiblissent la capacité de résilience sur laquelle ils s'appuient en situation d'urgence. Une meilleure gestion des maladies animales est par conséquent non seulement essentielle du point de vue de la santé humaine, mais également du point de vue de ses bénéfices économiques et sociaux. Une action ferme et décisive est nécessaire pour que le secteur de l'élevage réponde aux objectifs de la société en matière de réduction de la pauvreté, de sécurité alimentaire, de développement environnemental durable et d'amélioration de la santé humaine. Trouver le juste équilibre dans la poursuite de ces objectifs dépend du niveau de développement d'un pays et de la place que l'élevage occupe dans l'économie et la société. La sécurité alimentaire et les moyens de subsistance constituent en général les objectifs prioritaires pour les pays à faible revenu, où l'élevage joue encore un rôle de premier plan. À mesure que les revenus d'un pays augmentent, les problèmes de santé prennent de l'importance, et la protection de l'environnement devient aussi un objectif essentiel. Pour les sociétés riches, enfin, les questions de santé et les préoccupations environnementales sont susceptibles de dominer le débat. les défis posés par le secteur de l'élevage nécessitent des efforts intégrés qui doivent être menés par un large éventail d'acteurs. Les décideurs doivent être conscients des différents objectifs liés au secteur et des arbitrages à effectuer. La question de la gouvernance, ensuite, est essentielle. Le développement futur du secteur de l'élevage repose sur l'édification d'un cadre politique et réglementaire solide. Pour en savoir plus sur l'édition 2009 de la situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, merci de consulter notre site internet.